Une soirée passée dans l'autre monde par Léon Gozlan. Chapitre 1er. Brighton n'est pas une ville tout à fait amusante, non. L'hiver surtout. Bien que les Anglais, dans un enthousiasme lyrique qui n'est pas généralement partagé, l'appellent quelquefois la perle de la Manche. Je me trouvais dans la coquille de cette perle, il y a 2 mois environ, par une journée assez maussade, coupée de vent gris et de pluie glaciale, pensant avec l'effroi d'un Parisien à quelle distraction je serais forcé d'avoir recours pour franchir la soirée. Ou ce qui représente le cœur de la soirée, le formidable intervalle placé, ouvert plutôt comme un abîme, entre 7 heures et minuit. Après avoir remué dans ce but plusieurs projets difficiles, inouïs, celui par exemple de mettre le feu à Brighton et de m'amuser à le voir brûler, je m'étais assis avec résignation dans la salle basse de l'hôtel, près d'un poêle monumental forgé à Manchester, et je parcourais, avec les yeux languissants de l'ennui et d'un sommeil prématuré, un vieux volume de poésie anglaise de Shenstone, Le jugement d'Hercule. Ce volume d'un autre siècle offrait, dans son extérieur suranné, les allures de la cuisinière bourgeoise. Il exhalait une odeur de plum pudding assez caractérisée, mais où, je dois le dire sans chercher à déshonorer sa caducité ou sa fréquentation, la Grèce dominait beaucoup plus que le raisin de Corinthe et le rhum. La noble lutte d'Hercule entre le vice et la vertu, au milieu du Saint-Doux, ne me déplaisait pas. Mon imagination et mes sens me plaçaient à la fois, comme ce brave Hercule, dans une matérielle et poétique hésitation. Tantôt le plum pudding m'arrachait à la poésie, c'était le vice. Tantôt la poésie m'enlevait doucement aux séductions rêvées du plum pudding, c'était la vertu. Mais il n'était que 7 heures. Il était à peine 7 heures, et il s'agissait d'atteindre vivant les frontières lointaines de minuit. Quelle illusion que de compter sur le poème de Shenstone pour aller jusque-là. Hercule lui-même n'aurait pas eu cet orgueil. Il défait bien des monstres, je le défie de vaincre tout seul une soirée d'hiver à Brighton. Qu'allais-je devenir, bon Dieu, qu'allais-je devenir? Je me sentis familièrement touché à l'épaule à ce moment suprême d'anxiété. Je tournai la tête, et le visage souriant et blond du jeune fils du maître de mon hôtel sembla me dire « Vous paraissez, monsieur, ne pas vous amuser infiniment sous le beau ciel de Brighton. » Mon visage, beaucoup moins souriant, lui répondit sans doute « Hélas, je ne m'amuse pas du tout à Brighton, malgré son beau ciel. » Touché de ma profonde mélancolie, le jeune Robinol me dit « Seriez-vous bien aise, monsieur, d'assister à une grande séance de spiritisme ?» Je bondis de joie à la proposition. « Quand aura lieu cette grande séance ?» lui demandèrent ma bouche, mes yeux, tous mes sens à la fois, qui entrevoyaient une planche de salut dans ce naufrage de ma soirée. « Ce soir, » me répondit l'ange Robinol, « ce soir même, à quelle heure ? Tout de suite, partons. » J'avais déjà quitté ma place et je me dirigeais vers la porte. « Un instant. Vous n'êtes ni en habit noir ni en cravate blanche, » me fit observer M. Robinol en m'arrêtant. « Pardon, cher monsieur, j'oubliais, en effet, que je ne suis ni en cravate blanche, ni en habit noir. 1000 fois pardon !» Personne n'ignore aujourd'hui qu'il est très peu d'endroits en Angleterre, surtout dans les villes de second ordre, qui exagèrent jusqu'à l'extravagance les usages et les modes, et l'on oserait se présenter sans ces 2 conditions rigoureuses du costume. En Angleterre, on va manger une pauvre pomme de terre dans une taverne et l'on se met en habit noir et en cravate blanche. En Angleterre, on va se noyer dans la Tamise, et pour se suicider convenablement, on endosse l'habit noir et l'on noue la cravate blanche. Les pendus sont pendus en habit noir, en Angleterre, et, pour leur passer la corde au cou, le bourreau leur retire la cravate blanche. Je courus me conformer à l'usage anglais. Je redescendis bientôt dans une tenue irréprochable. « À propos, me dit le jeune Robinol, le fils de mon hôte, M. Thomas Robinol, « Savez-vous ce que c'est que le spiritisme, qu'une séance de spiritisme ? Non, mais qu'importe, pourvu que je passe ma soirée, je me soucie bien du reste. » Mon ignorance parut confusionner mon interlocuteur. « Vous ne connaissez donc pas le spiritisme en France ? On dit pourtant la France si éclairée. » « Nous devons le connaître, mais dans tous les cas, vous me le ferez connaître en nous rendant à la séance. » « Où se tient-elle ? Pas très loin d'ici, au club des jeunes francs-maçons. » Allons au club des jeunes francs-maçons. Nous sortîmes, comme je respirais. le manteau de plomb de la soirée se détachait de mes épaules. Quoique l'air fût très froid, et même par moments bourré d'une ouate glaciale de givre, de neige et de je ne sais quoi encore, qui pénétrait et lardait la peau comme le feraient des millions d'aiguilles, la nuit me parut délicieuse, maintenant que je n'avais plus à me mesurer avec sa redoutable massue. Une nuit de Naples, j'avais le nez bleu. Nous parcourûmes plusieurs rues formées de palais grands et majestueux, en vérité comme ceux de Gênes et de Florence, avant d'arriver à la rue perdue, dans le labyrinthe de rues où s'élève le club des jeunes francs-maçons. C'est dans ce trajet, c'est-à-dire à travers ces pompes quartiers éclairés par une lumière mieux distribuée, il m'a semblé, que le gaz dans notre Paris, que M. Urbino, fils, me dit « Le magnétisme, comme vous le savez, a été détrôné par les tables tournantes par les esprits frappeurs, ou tout simplement par les esprits, car ils ne frappent pas toujours. Eh bien, monsieur, je vous conduis de ce pas dans un endroit où viennent à une volonté souveraine, bien entendu, des esprits. Oui, monsieur, des esprits de tous les siècles, de tous les pays, de toutes les qualités. Nous avons aussi cela en France, à Paris, me dis-je à moi-même. Mais je ne le dis pas ensuite à mon guide de peur de refroidir son zèle, de peur surtout qu'il ne me ramenât à l'hôtel. L'hôtel. Non, monsieur, continua-t-il, il ne frappe pas toujours. Ils viennent sans bruit de fond du paradis ou de l'enfer quand on les appelle avec conviction, lorsqu'on les évoque, pour mieux dire. Car il y a évocation, ainsi que vous allez le voir vous-même. Oui, monsieur, il y a évocation. Je n'étais pas aussi ignorant sur la question des esprits que je venais de le laisser paraître. Je n'étais pas, d'un autre côté, très au courant de leur apparition. Je ne l'étais pas du tout, même. Jamais, à Paris, la curiosité ne m'avait poussé dans les salons où l'hiver dernier ils se livraient à leur exercice. Aussi, ce ne fut pas sans quelque accent de vérité que je m'écriais. « Quoi ? Je vais voir cela ? Vous me l'assurez, mon bon monsieur Urbino ? Oui, monsieur. Devant 3 ou 4 000 gentlemen et leurs épouses, on évoquera tel ou tel autre esprit. L'esprit que l'on voudra, que vous voudrez vous-même. Car si vous désirez en désigner un auquel vous tenez plus particulièrement... Mais vous verrez, vous verrez. Ah, le spiritisme, le spiritisme. Oui, le spiritisme, monsieur Urbino, est le dernier terme du génie humain, si, comme vous le dites. C'est comme je vous le dis. De là, voir Dieu comme je vous vois, il n'y a plus rien alors. Peu de choses, du moins, peu de choses. Très peu de choses, monsieur Urbino. Et ce sera une grande et particulière gloire pour la ville de Brighton d'avoir mis l'homme à une si faible distance du Créateur par la voie nouvelle du spiritisme. C'est à cause, sans doute, cher monsieur, de cette évocation des esprits obtenue à domicile que les séances données au club, vous avez en ce moment l'obligeant de me conduire, ont pris le nom générique de séances de spiritisme. Oui, monsieur. Et ce soir, comme si l'on eût prévu l'honneur de vous posséder, grande séance de spiritisme, la troisième de la saison. On n'est pas plus heureux que moi de tomber si à propos sur un tel plaisir. La salle est éclairée à Giorno, comme le théâtre de la Reine à Londres, les jours de gala. Le président, jugez de la chance que vous avez. Le président est ce soir, par extraordinaire, M. Arthur Daniel. Et par extraordinaire aussi, son médium est M. Ralph de Ralph. Quelle soirée, rien n'y manquera. M. Arthur Daniel est donc le premier, le plus fort des évocateurs spiritiques. Et M. Ralph de Ralph, le roi des médiums. Il rendrait 20 points au médium américain, qui tantôt a besoin d'être en bonne santé, tantôt de se trouver dans certaines dispositions nerveuses pour se mettre en communication avec les esprits. M. Ralph de Ralph, lui, est toujours prêt à communiquer. Il communique par tous les temps, à toute heure. Il communique comme vous et moi, monsieur, mangeons et buvons. Il s'assied devant sa table, la jambe étendue sur le tapis, le front découvert. Il a un front superbe, M. Ralph de Ralph, le regard fixe, la main armée d'un crayon ou d'une plume. Mais encore une fois, vous verrez. Je n'ai qu'une crainte, le temps est si mauvais ce soir. Que fait le temps ? Me demanda M. Urbino, un peu surpris de l'inattendu et de l'obscurité de l'objection. Vous ne craignez pas que l'humidité soit un obstacle à l'évocation des esprits ? Quelques-uns sont bien vieux, les rhumatismes, les paralysies, les catarrhes. Urbino me répondit gravement. Mais vous oubliez que les esprits n'ont pas de corps et par conséquent ni âge ni infirmité. Vous avez 1000 fois raison. Je suis si peu habitué, que voulez-vous, à ces hautes spéculations de l'intelligence. Excusez-moi, c'est stupide de ma part. Voyez-vous, en effet, des esprits se rendre couverts de fourrures, en paletot, avec des socs et un parapluie, à la grande séance de spiritisme de Brighton. On n'est pas plus naïf que moi, ma parole d'honneur. Nous étions arrivés à la porte du club des jeunes francs-maçons, dont la façade ne me parut pas très richement illuminée. Mais la lumière de l'intelligence brillait au-dedans, et celle-là aurait suffi, quand même la salle n'eût pas été éclairée à giorno, ainsi que me l'avait annoncé le fils Obinol. Non seulement elle l'était, mais je crois même que le giorno était produit en grande partie par des courants de lumière électrique. Clarté resplendissante, mais atroce, infâme, et l'épithète est encore trop douce. Clarté qui aura le dernier mot de la vue des générations destinées à jouir de ce meurtrier bienfait. Comme il y avait foule à l'entrée du club, je mis à profit la lenteur à laquelle nous fûmes soumis, de la rue à la porte de la salle, pour demander, avec beaucoup de ménagement, à mon jeune ami, s'il croyait sérieusement au spiritisme. Monsieur Obinol est un jeune homme de 20 ans qui aurait dû être moins crédule qu'un autre, à cause de la profession de son père, chef d'un hôtel où affluent les marins, les voyageurs, gens très voltairiens, très sceptiques d'ordinaire. Mais monsieur Obinol me sembla sous l'influence printanière d'un premier amour, et l'on a une foi absolue en toute chose, lorsqu'on aime pour la première fois. On a des lunettes roses. Le bon jeune homme me fit l'effet de ne pas mettre le moins du monde en doute la réalité du spiritisme, mot qu'il prononçait à la manière anglaise en supprimant le final, spiritisme, et en triplant la valeur euphonique de M, spiritisme. Et lorsqu'un mot est prononcé ainsi, il devient une profession de foi. Si je crois au spiritisme, comme n'en y croirais-je pas? J'ai été témoin de l'évocation de Solon, de Mithridate, de Numa Pompilius, de Lord Byron, de M. Cunning, de Lord Castlereagh, de Diogène, de Socrate, d'Aspasie, de Pope, de Miltiade, de Sheridan et de Fox. J'interrompis. Permettez, cher monsieur Obinol, permettez. Quoi? Mettriez-vous en doute? Qu'entendez-vous par l'évocation des grands personnages que vous venez de citer? Je serais bien aise de savoir au juste, avant d'entrer. Eh bien, j'entends par évocation que le président spiritique les a appelés devant moi du fond de son fauteuil, et qu'ils sont venus, n'est-ce pas, mais en chair et en os, en brodequin ou en perruque. Je n'insistais pas pour avoir la réponse à ma dernière question. Nous pénétrions enfin dans la salle des séances spiritiques que remplissaient déjà de bas en haut des spectateurs, des auditeurs ou des fidèles en nombre vraiment prodigieux, pour le plaisir un peu problématique, selon moi, qui leur était promis. À vrai dire, il n'y avait plus que 2 places vides, le fauteuil bleu céleste du président et le fauteuil rouge feu du médium. On connaît la façon incandescente avec laquelle les Anglais éclairent leurs réunions. Ce sont les plus forcenés lampistes après les Américains. La salle du club des jeunes francs-maçons était une fournaise, un miroir d'Archimède tout bouillonnant d'éclairs et de flammes. Encore un peu, on y aurait bu par les oreilles. Les yeux ne suffisaient plus. On serait un peu moins étonné de cette rage, de cette férocité dans la dispensation de la lumière, quand j'aurais dit qu'il y avait préméditation et calcul dans cette exagération d'éclairage. Dès que la séance fut ouverte, le gaz devint acteur à son tour. Il prit une part intelligente aux péripéties variées de la soirée. La lumière fut sombre ou douce, selon le caractère tendre ou terrible de l'évocation. Il me fut aisé de comprendre, au brouhaha de la salle, que la majeure partie des spectateurs, avant de se rendre à la séance, avaient soumis leur mémoire à une préparation mnémonique. Chacun d'eux lisait et relisait de petites bandes de papier communiquées ensuite à ses voisins, qui confiaient à leur tour leurs petites bandes de papier. Sur quelques-uns de ces bulletins ouverts à ma portée, je lus des noms historiques, Aristote, Théophraste, Archimède. Nul doute que ces noms déroulés à droite, à gauche, devant moi, derrière moi, serait adressé au président pour qu'il eût à évoquer les personnages qui les portaient autrefois. Pour me confirmer dans cette opinion, des torrents d'autres noms circulaient sur les banquettes. Chaque bouche murmurait le sien. Tous ces murmures formaient un bourdonnement, d'où se détachaient de temps en temps les noms classiques d'Horace, de Catulle, de Quintilien, de Pline, d'Apicius, de Végès, de Procope, d'Avicenne, de Thomas Becket, de Roger Bacon, de Machiavel, de Shakespeare, de Gibbon, de Blackstone, etc. On eût dit une biographie universelle en état d'ivresse, laissant tomber à terre tous les noms propres de ces colonnes abîmées. Une orgie biographique. Hommes et femmes de l'assemblée s'étaient mis de la partie. On connaît la redoutable érudition des femmes anglaises, leur rage de tout savoir, leur curiosité presque médicale en toute chose, et je l'appelle ainsi tant elle est indiscrète. Quelle femme de chambre irlandaise ne sait pas un peu de latin et de grec? Mais ne sortons plus de notre sujet. Je frémissais pour l'autre monde au dérangement considérable qu'on allait lui causer à Brighton en évoquant une pareille quantité d'esprit. Quel déménagement! Cela m'arrêta dans certains petits projets d'évocation que je méditais dans mon coin. J'avais moi aussi quelques esprits à évoquer. Je me bornerai, le cas échéant, me dis-je, à n'en déranger qu'un seul pour mon compte personnel. Mais le silence se fit, les petits papiers cessèrent de frétiller, Monsieur le Président était introduit.